l'âge, juste au bout du métal. Des coups, je prends dans la gueule et je connais ce goût de métal. Ma haine est toujours en mode full metal. Balobi sera plus que de full metal. Bientôt le monde, il est fait que de mécanique. La gueule toute rafistolée, comme si j'avais pris des baffes par ce crevard de doigts aux mains de bout de ferraille. Ce que tu fais, c'est bien, mais c'est mieux si tu le faisais ailleurs. J'ai le ferrailleur. Est-ce que t'auras de quoi gribouiller la stèle? Avant de crever de froid, il faut que je me passe d'elle. Je parle de celle que j'appelle la fille de pastel. De pastel. Tout est scinté, je salis tous les beaux synthés. Tout est scinté, je salis tous les beaux synthés.